Apparemment il a pas mal de choses à dire sur la vie en général et selon lui le rap ne serait pas mort à ce que l'on dit. C'est la rue qui nous l'envoie avec son génie sur un disque. Apparemment il a pas mal de choses à dire sur la vie en général et selon lui le rap ne serait pas mort à ce que l'on dit. C'est la rue qui nous l'envoie avec son génie sur un disque. Je suis le MC du futur maniant la phase qui laissera des morts dans la nature. Les faux rappeurs ont des lacunes, les miens ont de la plume. Dans la rue font leur étude, nous testez-le pour être pourriture. Vous enculez, ouais j'aurais dû. Ici on kiffe les pihatch au comportement adulte. Les silicones d'Ophélie sa manicure. Un pois chiche dans la cervelle, un kiki près du cul. Si si, les MC sont devenus comme elles. Ils disent qu'ils viennent du ghetto mais ce ne sont que des commères. Ils ont le nerf de la guerre, la rage au ventre. Ils ne font que relater ce qu'ont vécu les gens. Alors j'ai le seum et pas qu'en shit. Des morceaux faut qu'on en chie, leur logique faut pas qu'on suive. Facile de dire qu'on est le meilleur dans le game. Quand t'as baissé ton baggy, c'est toi qu'on aime. Apparemment il a pas mal de choses à dire sur la vie en général et selon lui le rap ne serait pas mort à ce que l'on dit. C'est la rue qui nous l'envoie avec son génie sur un disque. Apparemment il a pas mal de choses à dire sur la vie en général et selon lui le rap ne serait pas mort à ce que l'on dit. C'est la rue qui nous l'envoie avec son génie sur un disque. Violence, je jeune, du 92. De l'or dans l'oreille, c'est du minerai dans la bouche. Fais pas la boue, c'est la nouvelle génération. Attention, la face qui tue par strangulation. Trail est pour MC, les baises avec les mots. C'est pour mes gros, c'est pour mes roses, c'est pour mes homies, des halls. Sors de l'école des kickers, avertissant les petits cums. C'est la couleur qui a avalé un piton. Un camion citerne peut rouler sur son disque. On ressortira intact, sa musique est un mystère. Un casse-tête, son écriture a déchiffré. Cousin si t'arrives, tirer bleu car ça t'a giflé. Apparemment il a pas mal de choses à dire sur la vie en général et selon lui le rap ne serait pas mort à ce que l'on dit. C'est la rue qui nous l'envoie avec son génie sur un disque. Apparemment il a pas mal de choses à dire sur la vie en général et selon lui le rap ne serait pas mort à ce que l'on dit. C'est la rue qui nous l'envoie avec son génie sur un disque. Il excuse, dealer tuné pour baiser le studio. Spermé dans les culs, les faux rappeurs et des étudiants. Plus le temps, je rappe pour les bonhommes et les billets de banque. À 22 ans d'âge, faut faire péter les milliers de ventes. Qui se prend pour le meilleur MC alors qu'il se branle. Regardez devant vous, vous j'ai déjà mis de la distance. Qui se prend, qui nous laisse la place, on sera plus qu'il trempe. Pour moi c'est tous des cibles, on poids rouge comme au Pakistan. Qui se vend, on reçoit les mêmes qui sont la piste dans. Les genoux abîmés, pour avoir goûté ma piste. Ce que je pense, c'est que mon peur a tué. Mon peur a défoncé, reconnu à Marseille, plus l'oseille jusqu'à la défense. Prodige.